Deux traits de dévouement. Campan, Jeanne-Louise Henriette Genet. Naquit à Paris le 6 octobre 1752, fille de M. Genet, premier commis au ministère des Affaires étrangères, elle reçut sous les yeux de son père l'éducation la plus soignée. Ses connaissances variées et ses talents attirèrent sur elle l'attention de la duchesse de Choiseul, qui la fit nommer à 15 ans lectrice de mesdames, tante de Louis XVI. En 1770, Marie-Antoinette, ayant en occasion de la voir, apprécia ses qualités aimables et désira se l'attacher. Elle la maria à M. Campan, fils de son secrétaire intime, et la prit pour sa femme de chambre en lui permettant de conserver sa charge de lectrice auprès de mesdames. Quand les excès de la Révolution eurent mis en péril les jours de la famille royale, Mme Campan donna des preuves de son dévouement à sa protectrice. Elle était aux Tuileries pendant la terrible journée du 10 août, et elle eût été elle-même enveloppée dans le massacre des serviteurs dévoués qui étaient accourus au château pour défendre Louis XVI. Si un homme n'eût arrêté le bras de l'assassin déjà levé sur elle en s'écriant « Faites grâce aux femmes, ne déshonorez pas la nation !» Ce fut en vain qu'elle demanda avec les plus vives instances à partager la captivité de la reine, qui avait été transférée au temple. Pétion lui refusa cette faveur en la menaçant, si elle insistait, de l'envoyer à la force. Madame Campan, obligée de quitter Paris, se retira à Combertin, où elle apprit avec effroi les attentats du 21 janvier et du 16 octobre. Avant de quitter la famille royale, elle en avait reçu un témoignage de confiance qui répond assez aux soupçons répandus par ses ennemis sur sa fidélité. Louis XVI la rendit dépositaire de plusieurs papiers importants, où des hommes intéressés à incriminer sa conduite eussent pu trouver des prétextes d'accusation contre le monarque. Ce fait ayant été connu, Madame Campan fut poursuivie par ordre de Robespierre. Le 9 Thermidor la sauva. Après cette époque qui laissa respirer la France, Madame Campan alla se fixer à Saint-Germain, où, pour faire subsister sa famille, elle établit une maison d'éducation. Ce pensionnat jouit bientôt d'une grande vogue, et au bout d'un an, il comptait déjà 60 élèves appartenant aux familles les plus distinguées. Madame de Beauharnais, devenue depuis impératrice, y plaça sa fille Hortense et sa nièce Émilie. Bonaparte lui-même confia à Madame Campan l'éducation de sa plus jeune sœur, Caroline. Parvenue à l'Empire, Napoléon crée par un décret la maison d'Écouen, où les filles des membres de la Légion d'honneur devaient recevoir le bienfait de l'éducation, et en confia la direction à Madame Campan, dont il appréciait le savoir et les manières distinguées. Au retour des Bourbons, la maison d'Écouen ayant été supprimée, les jeunes filles qui s'y trouvaient furent placées à Saint-Denis, et les fonctions de Madame Campan cessèrent. Elle eut même la douleur de voir reproduire contre elle d'anciennes accusations de trahison. Madame Campan se retira à Mantes, où elle reçut le dernier soupir d'un fils sur lequel reposaient ses espérances. Elle-même, atteinte bientôt d'une maladie qui exigea une opération cruelle, expira le 16 mars 1822. On a d'elle conversation d'une mère avec sa fille, lettre de deux jeunes amis, mémoire sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre, suivi de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, de l'éducation, conseils aux jeunes filles. Mademoiselle Cazotte. Des bandes armées de brigands parcoururent les rues de Paris et se dirigèrent vers les prisons. L'expression de leur figure est hideuse. Tout ce que l'âme a de passion vile, atroce, dégoûtante, s'y retrace avec une effrayante vérité. Leur costume ajoute à l'horreur qu'ils inspirent. L'ignoble bonnet rouge domine leur front impudent. Une veste appelée carmagnole, et dont le nom s'associe à des souvenirs infâmes, cache mal les lambeaux, dont la plupart sont affablés. Leur poitrine est nue, haletante. Des chants sauvages, des hurlements de mort s'exhalent de leur bouche. À leur tête figurent quelques hommes flétris de vices et de crimes. Un tribunal de sang est érigé devant chaque prison, à l'entrée du premier guichet. Les juges, et quels juges, prononcent sur le sort des victimes que des bourreaux massacrent un instant. Ô excès de terreur, de faiblesse ou de cruauté! Des hommes, des femmes assistent comme spectateurs à ces horribles exécutions. Les uns applaudissent avec des cris forcenés. Les autres, qui ne trouvent pas même d'excuses dans d'aveugles passions, affectent une joie que dément leur air épouvanté. Le sang a coulé tout le jour, toute la nuit, et la rage des assassins n'est pas encore assouvie. Dans l'enceinte de la prison, on s'interroge sur la posture à prendre pour ne pas souffrir aussi longtemps. Les geôliers poussent les malheureux hors du fatal guichet et le meurtre s'accomplit. Maillard a désigné une victime. Il a nommé Cazotte. Ni ses cheveux blancs, ni les écrits ingénieux et spirituels n'ont pu le protéger. Il s'avance calme et résigné. Déjà la hache est levée. Un ange le défend. C'est sa fille. Elle s'élance entre le vieillard et les bourreaux. Vous n'arriverez à mon père qu'après m'avoir percé le cœur. L'énergie de son action, les grâces touchantes de sa figure, sa jeunesse, ses larmes, étonnent les assassins et suspendent leurs coups. Elle respire, mais bientôt, honteux de leur pitié, ils lèvent de nouveau la hache. Elle observe leurs mouvements. « Frappez-moi la première » s'écrie-t-elle, avec un accent que les mots ne rendent pas. « Oh, que j'obtienne de vous la grâce de mourir avant mon père !» Et ses mains sont jointes et ses traits sont animés d'une expression sublime. « Élisabeth, Élisabeth !» murmure le vieillard qui tremble pour son enfant. « Je ne verrai pas couler son sang, » répond-elle éperdue. Les bourreaux se regardent. « Pourquoi ? Pourront-ils frapper ?» Un cri de grâce se fait entendre. Il est répété au-dedans, au-dehors. L'heureuse fille saisit son père et l'enlève au cri de « Vive la nation !» Le 12 septembre voit renaître les angoisses de la pitié filiale. Cazotte est arrachée à sa retraite et les portes de la conciergerie s'ouvrent pour le recevoir. Élisabeth l'a suivie. Repoussée par les geôliers, elle vole à la commune chez le ministre de l'Intérieur. Elle demande, elle implore la grâce de partager le cachot de son père. Elle l'obtint. « C'est moi, c'est Élisabeth !» Et le front du vieillard est couvert de baisers. Un doux sourire brille à travers les larmes de la jeune fille. Elle regarde son père, parle, tient des discours sans suite, s'interrompt mille fois pour le regarder et pour l'embrasser encore. Il dort. Élisabeth veille. Elle abandonne sa paille humide, s'avance doucement vers le vieillard, l'écoute respirer. Et sûre qu'il goûte un sommeil paisible, elle regagne cette couche si souvent arrosée de ses larmes. Oh, désespoir ! Elle est arrachée du sein de son père et mise au secret. Quand elle recouvre la liberté, elle apprend qu'ils l'ont immolée. Mourra-t-elle ? Non, il lui reste un devoir à remplir. Sa mère l'attend pour pleurer avec elle. Mademoiselle de Sombreuil. Le sang ruisselait dans les cours de l'abbaye. Les cris des victimes se mêlaient aux imprécations des bourreaux et au roulement du char funèbre qui portait les corps sanglants dans les fosses préparées à Montrouge. Monsieur de Sombreuil va franchir le guichet fatal. Quelle mort ! Des accents désolés épouvantent les cœurs. Vous entendrez mon père, vous l'entendrez, vous m'entendrez à sa place. Tous les regards se tournent sur une jeune fille, belle de sa pâleur, de ses larmes et de son désespoir. Ses cheveux flottent en désordre sur son cou. Tantôt ses yeux lancent des éclairs d'indignation. Tantôt ils sont doux, timides et suppliants. Intrépide, elle affronte les haches, les sabres. Elle fait un rempart de son corps au vieillard qu'elle appelle son père. À travers cette foule homicide, des femmes, ou plutôt des furies, ont frappé ses regards. Elle les émeut, les intéresse, puis, élevant la voix, « J'en appelle au peuple. Tous les prisonniers ont été interrogés. Mon père le sera. Je le défendrai. » « Oui, oui, qu'il soit interrogé, » s'écrient les monstres attendris. Elle a reçu 3 blessures. Son sang coule. Elle ne sent rien. Elle plaide la cause de son père avec cette chaleur, cette éloquence dont l'âme a toujours conservé le secret. Les juges hésitent. Elle attend. Ses yeux sont suspendus à leurs lèvres. Une effroyable anxiété torture ses traits si purs et si gracieux. Que vont-ils prononcer ? « Voici ta dernière épreuve, » dit un brigand. « Bois ce verre et jure d'être fidèle à la nation. » C'est du sang. Elle recule. Ses cheveux se dressent sur son front pâle et glacé. Un cri d'horreur va s'échapper de son sein. Mais son père... Elle tend un bras défaillant. Le verre est dans sa main qui tremble. Une joie satanique brille sur la figure des assassins. La sentence de son père y est écrite en caractère de sang. Elle ferme les yeux et boit l'exécrable liqueur. Un tonnerre d'applaudissements, les cris mille fois répétés de « Vive la nation !» lui apprennent que son père est sauvé. Elle l'entraîne aussitôt loin de ce lieu d'horreur. Il est rendu à sa famille, à ses amis. Pourquoi sa fille est-elle pensive et mélancolique ? Dieu, quelles horribles convulsions agitent tout son corps. Elle vient de se rappeler le verre de sang et l'outrage fait à la nature. Ô crime, ô honte ! Monsieur de Sombreuil est encore arraché à ses affections. C'est encore sa fille qui le suit. À la vue de l'héroïne, tous les prisonniers, oubliant leur malheur, s'inclinent avec respect devant son dévouement sublime. Mademoiselle de Sombreuil survécut à son père. Elle avait désarmé des assassins. Elle ne put émouvoir des juges. Sombreuil périt. L'héroïne, dérobée elle-même à la mort par la rédaction du 9 Thermidor, quitte la France et n'y revint qu'en 1815, mariée au comte de Villelume. Elle mourut à Avignon en 1825. Sœur Marthe. Anne Biget, connue sous le nom de Sœur Marthe, naquit à Thorez, village situé près de Besançon, le 26 octobre 1748 et s'est rendue célèbre par ses vertus et son infatigable charité chrétienne. Elle entra fort jeune comme couturière au couvent de la Visitation à Besançon, où les nobles qualités qui la distinguaient déjà fixèrent sur elle l'attention de la présidente, Madame de Garon, pensionnaire du couvent, et ceux de M. Dufort, archevêque du diocèse. Elle reçut d'eux les moyens de satisfaire son cœur, visita les prisons et fit entendre des paroles consolantes. Après la suppression des établissements religieux en 1780, Sœur Marthe, qui retirée à Besançon n'avait pour exister qu'une modique pension de 133 livres et le revenu très minime d'une petite maison, partagea ses faibles ressources avec les pauvres nécessiteux. Durant nos troubles politiques, elle accourait au secours de toutes les victimes, quelle que fût la bannière qu'elles eussent suivie. On vit surtout éclater son dévouement lorsque la guerre encombra nos hôpitaux de blessés de toutes les nations. Elle avait pris cette devise « Tous les malheureux sont mes amis ». En 1814, lors du blocus de Besançon, elle distribuait chaque jour la soupe à plus de 1000 infortunés, et en 1817, elle trouva également les moyens d'arracher à la mort une foule de familles. Elle aidait à la rencontre des détachements, de militaires malades ou blessés, leur porter les premiers appareils, les premières consolations. Et jamais cette femme, selon l'Évangile, ne songea à demander à aucun d'eux quelle nation l'avait vue naître, ni quelle religion il professait. Aussi était-elle considérée et chérie comme la mère de tous. En 1815, une fête lui fut donnée dans la prison militaire située près de Chamart, par des Français, des Autrichiens, des Hongrois, des Prussiens, des Russes, des Polonais, des Espagnols, des Italiens, des Suisses, des Anglais. La Société d'agriculture de Besançon lui avait décerné, en l'an 9, une médaille d'argent portant cette légende « Hommage à la vertu ». En France, une croix particulière, frappée en son honneur, lui fut adressée par le ministre de la guerre, et les souverains étrangers, hors le roi d'Espagne, voulant reconnaître les soins touchants prodigués à leur sujet, recherchèrent l'humble bienfaitrice jusque dans sa cellule. Sœur Marthe reçut la grande médaille d'or de Russie, celle du mérite civil d'Autriche, une troisième du roi de Prusse, accompagnée de 100 Louis IX. Elle avait obtenu des monarques que son neveu, M. Biguet, peintre estimable, jouirait de la survivance de ses décorations. Louis XVIII lui avait fait aussi l'accueil le plus flatteur. Sœur Marthe est morte à Besançon dans sa 76e année, le 20 mars 1824.